cassé comme mes gants détention. Vulgaire et violent, là je fais plus de rétention. À la moindre erreur, je fais pleuvoir les sanctions. Je suis comme Broly, ma haine est en pleine expansion. Et que personne ne se dresse sur ma route, à partir de maintenant, je serai moins docile. Sans exception qu'ils aillent tous se faire foutre, qui me jettent la première pierre au sevrat impossible. J'ai confiance en personne, je n'ai confiance qu'en moi. Car moi au moins, je sais que je me trahirai pas. Toutes ces salopes ont un jour fait partie de ma vie, j'espère que vous finirez en bas. L'être humain est mauvais, vous méritez tous une mort atroce. Je verse de l'acide dans vos bouches et vos torses, jusqu'à ce que vous me communiquez qu'en morse. Bâtard, toi tu crois que t'es chaud, mais tu puis ta mère, toi tu n'as pas.